Donc, silence important, phénomène de censure important. Mais il y a aussi ce qui est important, c'est ce qu'on appelle tout le contexte du discours, et dans ce petit livre, on y insiste, et je crois qu'il faut y insister, tout le contexte du discours. C'est pour cela qu'on a fait des fiches, enfin que vous avez peut-être, des fiches sur les enregistrements qui peuvent paraître un peu lourdes, un peu barbares, un peu pénibles, bon, qui sont des fiches maximales, optimales, c'est-à-dire qu'on a prévu le plus de choses possibles, ce qui ne veut pas dire que tout puisse être rempli chaque fois. Mais ces fiches, elles nous paraissent quand même très très importantes pour bien connaître le contexte dans lequel se fait une enquête, dans lequel est produit un texte oral, et pour permettre d'expliquer justement d'une façon sérieuse ce texte. Alors ces fiches, bon, enfin, je ne vais pas les détailler maintenant, mais c'est des fiches qui peuvent paraître des fiches policières parfois, puisqu'il y a pas mal de renseignements sur les informateurs, enfin sur les personnes interrogées. Il est évident qu'il faut les remplir avec beaucoup de doigté, qu'il ne s'agit pas de faire une enquête policière auprès de telle personne en disant ben, « répondez-moi à toutes ces questions sur vous, sur votre identité, etc. » Il s'agit de les remplir dans la mesure du possible et dans la plupart des cas, de les remplir d'une façon indirecte sans poser directement les questions aux gens que l'on interroge. Alors bon, il y a évidemment les problèmes de sexe homme ou femme, c'est évident, de profession, c'est évident aussi. Il y a des problèmes, des questions plus délicates, mais qui sont tout de même importantes. Les questions de religion, et dans les pays où il y a des affrontements, enfin, ou du moins coexistence entre protestants et catholiques, c'est capital de savoir si on interroge un protestant ou si on interroge un catholique. Il y a les questions d'opinion politique déclarée. Il ne s'agit pas, de là encore, de faire d'une investigation policière et de demander à quel parti appartiennent telle et telle personne, mais dans la mesure où quelqu'un se déclare d'une façon ou d'une autre, il est important de le savoir si ça a une incidence dans l'enquête. Il y a aussi tous les antécédents familiaux et les antécédents de la vie propre de la personne. Si c'est une personne qui a habité à l'extérieur pendant une partie de sa vie et qui donc a été au contact de cultures différentes ou du moins de pratiques ou d'usages différents, il est important de le savoir. Et de la même façon, d'avoir quelques éléments sur les parents ou les grands-parents, enfin sur l'histoire de la famille, dans la mesure où on peut la savoir.